Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Bah, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas moi. Pourquoi? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi? De quoi? Pourquoi? Ah! Avant toute chose, j'aimerais dire un mot, mais sont-ils prêts? Je suis pas une balance, donc je pèserai pas mes mots, moi je vais dire vrai. La vérité! Ouais, et rien que la vérité, je vous le jure. Celle qui sort de la bouche des gosses et de ceux qui ont goûté la ceinture. Enfin bref, là je m'écarte, excusez-moi, mais ça m'épate. Même si certains mangent du caviar, pourquoi tu rages, tu manges des pâtes? Toujours à envier les autres qui essaient de s'en sortir. On est capable du meilleur, eux ne sont capables que du pire. Donc n'aime pas ça, hombre, que passa. Même si t'as du mal, accepte-le, fais comme le Barça. Au lieu de parler mal sur les autres, essaye donc de changer ta vie. Tu casses tellement de sucre sur le dos que tes phalanges ont des caries. Si je t'annonce que je vais me marier, dis-moi poto, pourquoi tu rages? Et si j'achète une féfé, dis-moi poto, pourquoi tu rages? Si dans mon compte je suis friqué, dis-moi poto, pourquoi tu rages? Si le public veut me faire percer, dis-moi poto, pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Allons enfants de la patrie, pourquoi vous ragez? C'est le jour de gloire. Encore aujourd'hui j'ai du mal à croire que vous soyez si bêtes, des bêtes de foire. Si quelqu'un réussit, okay, ça veut dire qu'il a taffé, bah oui. Mais toi tu veux le descendre, car t'as du mal à monter. Petite nature, bah, vous êtes tous tubes, aveuglés par la haine, votre ego porte la burqa. C'est dur ça, j'dirais même que c'est une maladie. Un vice atroce, la rage profite jamais. Non, comme bien mal acquis. C'est donc ça ta vie, envier tes amis. M'en voudras-tu si t'es debout et moi en place assise? La rage, pas facile à vivre au quotidien. J'évite ces mecs là comme un contrôleur qui arrive dans le Transilien. Si je t'annonce que je vais me marier, dis-moi poto, pourquoi tu rages? Et si j'achète une féfé, dis-moi poto, pourquoi tu rages? Si dans mon compte je suis friqué, dis-moi poto, pourquoi tu rages? Si le public veut me faire percer, dis-moi poto, pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Je fais ce que j'ai à faire, y'a personne qui te force à m'écouter. Si dans le son je fais carrière, bah les couilles que t'en sois dégoûté. On assure mes arrières, trop d'inspi, je serai jamais essoufflé. Mon public, mes artères, le sang sur eux, je pourrais toujours compter. Vu qu'on est liés, bah ouais, leur pied, mon pied. Tu peux jacter, vas-y, mais l'instru, je viens de la plier. J'avance petit à petit, et je sais que j'en ai dans le crâne. Si tu parles de ma vie, tu deviens mon plus grand fan. On parle de toi quand t'es quelqu'un, si t'es personne, on te calcule à pied d'où t'es trop. Ces gens mesquins se moquaient de toi, t'ont pas cru qu'à te voir monter, ça les énerve, alors les rageux se fâchent. Leur vie est plate comme une équerre ou bien comme un boule de noix. Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages?